qu'est-ce que l'existentialisme? Il y a un étrange mouvement philosophique en isme, comme tous les mouvements philosophiques d'ailleurs, et ces ismes font peur, un peu comme les grands livres de philosophie. Il y a une sorte de peur devant ces systèmes, devant ces termes un peu techniques de la philosophie. Mais le plus étrange de tous, c'est peut-être, et le plus contradictoire de tous, c'est peut-être celui-ci, l'existentialisme. Pourquoi? Parce que précisément, en principe, l'existentialisme, par exemple, chez le premier auteur qui l'a défendu, sans le nommer ainsi, Søren Kierkegaard, philosophe danois du 19e siècle, eh bien, c'était une philosophie qui s'opposait au système, qui disait, au fait, voilà, la réalité qu'oublie toujours la philosophie, ça n'est pas un système logique, c'est au contraire la subjectivité individuelle qui échappe à toute logique et dont les choix, les activités, les responsabilités déterminent la place dans l'existence, dans le tragique de la vie individuelle et jamais dans la logique des systèmes, jamais dans les ismes. L'existence ne choisit pas, par exemple, entre le socialisme et le libéralisme. L'existence choisit des actes pour résister à des tyrannies ou pour s'engager dans des relations profondes. Par exemple, pour Kierkegaard, dans le mariage, le choix de le sérieux de la vie commence quand on quitte le papillonnage esthétique de Don Juan pour s'engager pour la vie dans une existence avec quelqu'un. Et au-delà du sérieux, il y a le troisième stade de la vie, le stade religieux, celui par lequel Abraham risque de sacrifier son fils dans crainte et tremblement, toujours du même Kierkegaard. L'existentialisme, c'est donc le paradoxe suprême parmi les systèmes philosophiques et ceux qui l'ont repris au cœur du XXe siècle. En France, par exemple, les existentialistes de Saint-Germain-des-Prés, souvent caricaturés, voilà, pour leur position, l'existentialisme est un humanisme. Jean-Paul Sartre, 1946, à Saint-Germain-des-Prés, publié en 47, eh bien, il savait très bien que le sérieux de la vie, c'était justement l'engagement dans la liberté. On les a beaucoup moqués pour cela, mais les philosophies de l'existence sont bien des philosophies du choix, des philosophies de la responsabilité absolue. Sartre allait très loin en ce sens. Il pensait que nous sommes responsables de tout, que partout nous avons au moins une manière de penser, une manière d'adhérer ou de refuser à ce qui se passe, qui définit notre liberté. Il y a donc en philosophie des positions générales et on a le droit de définir l'existentialisme dans la mesure où il s'oppose au déterminisme qui pense que nous sommes conditionnés par des forces extérieures et que notre subjectivité n'a pas de rôle dans ce qui lui arrive, n'a pas d'événement majeur qui la définit, n'est pas dans la crainte et le tremblement face à sa propre liberté, face à sa propre responsabilité. Mais l'existentialisme court, comme tous les systèmes, le risque de se figer en doctrine. Peut-être que des auteurs comme Sartre lui-même ont parfois eu du mal à concilier la liberté individuelle et la responsabilité historique avec ce système. Pour Sartre, la liberté revient toujours intacte, entière, à chaque instant, n'est pas liée par ses propres actes. Et peut-être que là, il y avait quand même une responsabilité plus profonde. Malgré tout, la question reste celle de la diversité des existentialismes et du fait que personne, aucun d'entre nous, chacune et chacun individuellement, personne donc ne peut tout à fait dédaigner la question de l'existence.